بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue, chers frères, barakallahu fikoum, la lecture et le commentaire de ce poème très bénéfique, As-sayru ila Allahi wa dari al-akhirah. Le cheminement vers Allah et la demeure finale. Et donc, on était arrivé à la parole de l'auteur, rahimahullah, lorsqu'il dit wa nazalu bi manzilati ar-ridha fahum biha qad asbahu fi jannatin wa aman. Et donc ils se sont arrêtés à la station de la satisfaction. La satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc par celle-ci, ils se retrouvent dans un paradis et une quiétude et une paix. Et donc al-ridha, la satisfaction est une cause qui fait que le serviteur se sent en paix, dans le bien. Mais on doit faire le lien avec le verbe qu'on a vu précédemment, la semaine dernière. La semaine dernière, on parlait de sabr. La semaine dernière, on parlait de sabr, la patience, l'endurance, dans la difficulté, dans les épreuves. Et ici, l'auteur, maintenant, il nous parle de la satisfaction. Il nous montre ici, au cher frère, barakallahu fikoum, que le croyant face aux épreuves, les croyants face aux épreuves se divisent en plusieurs groupes. Il va y avoir ceux donc qui vont désespérer de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a nul doute sur le fait que ceci est blâmable. Ils vont se plaindre face aux épreuves. Mais pourquoi si, pourquoi ça? Il y a ceux qui vont endurer et patienter. Face aux épreuves, il y a le degré au-dessus, ceux qui vont être satisfaits de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordé. Même dans l'épreuve, ils sont satisfaits de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordé. Et ça, c'est un degré au-dessus de la patience. Non seulement tu patientes, mais en plus de ça, tu es satisfait. Alhamdulillah. Tu es dans un bien. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala a décrit les sahaba, ce qu'il nous a ordonné de les suivre. Il les a décrits en disant radiyallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Question. Le père, il peut être satisfait de son fils. Ah, tu as bien révisé aujourd'hui. Mashallah, je suis satisfait de toi. Hein? Ahmed, il a bien révisé, nous a fait un bel examen aujourd'hui. Ahmed, je suis satisfait de toi. Yassine. Et donc, le patron peut être satisfait de son employé. Est-ce que nous, on peut dire, on est satisfait d'Allah? Qu'est-ce qui est voulu ici? On est satisfait d'Allah. Radiyallahu anhum wa radu an. Et eux sont satisfaits de lui. Ce qui est voulu ici, c'est que ils sont satisfaits de ce qu'il leur a décrété. Ils sont satisfaits de tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala leur a décrété. Et donc ils ont patienté dans la difficulté et ont été satisfaits des épreuves qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a décrétées. Et ça, au cher frère, c'est un degré au-dessus de la patience. Et donc, il est important qu'on apprenne cela. Qu'on apprenne à être satisfait de ce qu'Allah nous a accordé. Il y a même certains savants qui disent « Celui qui est satisfait du peu, ou celui qui est satisfait du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde peu de biens, c'est-à-dire argent, etc. Alors Allah est satisfait de lui du fait qu'il accomplisse peu d'actions, de bonnes actions. Et donc il est important, oh cher frère, qu'on apprenne à endurer dans l'épreuve. Ce n'est pas facile. Tu vas être éprouvé dans ta vie. Si tu penses que tu n'auras pas d'épreuve, que tu vas arriver, que ça soit un prédicateur, tu arrives, tu fais la da'wa et tu n'as pas de problème. Le messager, là-bas, il a des problèmes, et toi, tu arrives, tu n'as pas de problème. Mais non, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Et donc, il est impératif qu'on patiente. Et il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ashaddu an-nas ibtila'an al-anbiya. Les gens qui sont le plus éprouvés sont les prophètes. Thumma al-amsal fal-amsal. Puis ceux qui les ont suivis et ceux qui les ont suivis. Voilà pourquoi parfois certains compagnons, il était rapporté d'eux que ils cherchaient à avoir des épreuves. Certains qui voyaient qu'ils n'avaient pas d'épreuves depuis un moment, ils n'étaient pas bien. Il faut une épreuve. Il faut des épreuves. Souvent on pense à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Certes, il y a après la difficulté une facilité. Certes, il y a après la difficulté une facilité. On connaît déjà le tafsir. On a déjà vu. Les savants nous disent que c'est la même difficulté qui a été citée deux fois. Et par contre, ce sont deux facilités différentes. Et donc, pour une difficulté, on a deux facilités. Et donc, souvent, on médite sur ça et on se dit, effectivement, pour une difficulté, on a deux facilités. Et donc, Allah, on a une difficulté, Allah va nous faciliter. Mais on oublie un point, c'est l'inverse. C'est lorsque tu as une facilité, c'est obligé qu'il y ait aussi une difficulté. Tu ne vas pas avoir que la facilité comme ça. C'est obligé qu'il y ait la difficulté aussi. Et c'est pour ça que l'imam Shafi'i rahimahullah, il a été interrogé, est-ce qu'on peut avoir un nasr, le secours, sans difficulté? Tout est facile. Il a répondu quoi l'imam Shafi'i? Il a dit, « Inna ma'al usri yusra ». Il a dit, certes, il y a avec la difficulté une facilité. Et donc, c'est impératif qu'on soit éprouvé, les frères. Comme on a vu dans le hadith la semaine dernière, Huffatil jannatu bil makari. Le paradis a été cerné, entouré de choses difficiles. El makari, on a expliqué. C'est-à-dire que l'âme déteste cela. L'âme n'aime pas cela. L'âme n'aime pas faire des efforts comme cela. Et donc, le paradis a été entouré d'éléments de causes difficiles. Le fait que tu fasses des efforts, tu viens à la mosquée, tu fais des efforts pour apprendre, tu te poses ta liste de vocabulaire, tu apprends ton vocabulaire, tu révises tes versets, tu cherches à comprendre le Coran. Ça demande des efforts et de la difficulté. Ensuite, il nous dit l'auteur, rahimahullah, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shakaru alladhi awla al-khala'iq fadlahu bil-qalbi wal-aqwali wal-arkani. Ils ont remercié. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils ont remercié celui qui a accordé aux créatures de sa grâce. Ils ont remercié Allah tabaraka wa ta'ala avec le cœur, les paroles et leurs membres. Ici, on est encore, au cher frère, barakallahu fikoum, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, on est encore dans le sujet des épreuves. On a un degré supérieur encore. On a vu le premier degré, l'endurance. Le deuxième degré, la satisfaction. Et maintenant, le troisième degré, le remerciement. Le degré qui est plus supérieur, qui est supérieur à la satisfaction, le remerciement. Le fait de remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala. Vous allez me dire, Abdul Karim, un mal me touche. J'ai un accident. J'écrase ma voiture que je viens d'acheter. Je remercie Allah. C'est correct? Alors, j'écrase ma voiture. J'ai un membre de ma famille qui était avec moi. Il meurt et moi je suis vivant. Je remercie Allah. Ça aurait pu être pire. Et donc les savants nous disent ce degré qui est supérieur. Donc là, non seulement tu as été endurant face à l'épreuve, tu as patienté, tu as été satisfait du décret qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a accordé et tu remercies Allah Tabaraka wa Ta'ala en plus de cela. Pourquoi ? Ils te disent parce que premièrement, tu regardes ceux qui sont plus éprouvés que toi. Tu regardes ceux qui sont plus éprouvés que toi. Est-ce que tu vas toujours trouver quelqu'un qui est plus éprouvé que toi? Il se peut que quelqu'un, ici, il soit musulman, il est handicapé, il a ci, il a plein d'épreuves. Est-ce qu'il peut trouver quelqu'un qui est plus éprouvé que lui? Hein? Oui. Les frères, je vous donne une épreuve qui est supérieure à tout cela et qui est très propagée et que souvent, on n'y pense pas. Souvent, on n'y pense pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait Allah en disant « Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. » Oh Allah, fais que le mal qui nous touche ne soit pas dans notre religion. Peu importe ce qui te touche, tu as perdu la fonction de tes membres. Tu as gardé ta religion. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu as gardé la cause qui fait que tu peux avoir par cette cause le paradis éternel. Tu as perdu tes membres, c'est ici-bas, c'est dunya ça. C'est dunya, tu es paralysé ou autre, ça c'est la dunya. Dans l'au-delà, il n'y a plus ce genre de problème. Et donc tu remercies ton Seigneur parce qu'il t'a favorisé. Il ne t'a pas éprouvé comme il a éprouvé beaucoup parmi ses créatures. Et donc, il y a déjà ce côté-là, le fait que lorsque tu es éprouvé, tu regardes ceux qui sont plus éprouvés que toi et tu remercies Allah par rapport au fait qu'il ne t'a pas éprouvé par ce par quoi il a éprouvé les autres. Et il n'y a pas d'épreuve plus grande que le fait de mécroire et de ne pas savoir que tu mécrois. Combien on a autour de nous qui se disent croyants, œuvrés pour le paradis, etc., etc., et qui vont adorer Jésus. Ils ne savent pas. C'est une lourde épreuve. Et ensuite, une des causes qui fait que tu remercies Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est lorsque tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Il dit le croyant qui est fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant qui est faible. Et il y a du bien dans chacun d'entre eux. Fort, c'est pas les muscles, hein. C'est dans tout. force de caractère, force de foi. Et ensuite il dit, et il y a du bien chez chacun d'entre eux, chez chacun des croyants. Et ensuite il dit, sallallahu alayhi wa sallam, fahris ala ma yanfa'uk, efforce-toi de faire ce qui t'est profitable. Efforce-toi de faire ce qui t'est profitable. Wala ta'jazan. Et ne sois pas touché par la paresse. Ne sois pas pris de paresse. Wala ta'kun. Law kana kadha aw kadha. Et ne dis pas, si seulement c'était ci ou ça, si seulement j'avais fait ça. Mais dis, qaddara Allah wa ma sha'a fa'al. Dis, ceci est le destin d'Allah et il fait ce qu'il veut. Et donc tu remercies Allah tabaraka wa ta'ala par rapport au destin qu'il t'a accordé. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et tu remercies Allah aussi, un autre point les frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, comme on l'a vu précédemment, concernant le destin et les épreuves qui vont toucher le croyant, il dit sallallahu alayhi wa sallam, ajaban li amri al-mu'min. Comme est surprenante la situation du croyant. Comme elle est surprenante sa situation. Wa laysa dhalika illa lil-mu'min. Et cela, ce n'est que pour le croyant. Il n'y a que le croyant qui peut avoir ça. Idha asabahu khayrun shakar, fa kana lahu khayran. Si c'est un bien qui touche le croyant, il a un enfant, il a eu un travail, de l'argent ou autre, un bien qui le touche, alors il remercie son Seigneur et c'est un bien pour lui. Wa in asabahu shar, et si c'est un mal qui le touche, sabar, alors là il patiente. Fekene lahu khayran, et là c'est un bien pour lui. Et donc le croyant qui voit qu'il a été éprouvé par un mal l'a touché, et il voit qu'il a patienté par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors il remercie son Seigneur. Alhamdulillah, il remercie son Seigneur qu'Allah lui a permis de patienter dans cette épreuve, parce qu'il sait que c'est un bien pour lui, le fait d'avoir patienté, et le fait qu'il sera récompensé par rapport à cela. Et encore une fois, il remercie son Seigneur, parce que, comme on a dit précédemment, ceux qui sont le plus éprouvés sont les prophètes. Ainsi que ceux qui les ont suivis, ce sont ceux qui sont le plus éprouvés. Et donc, lorsque le croyant voit qu'il est éprouvé, il remercie son Seigneur et il invoque, Ya Allah, place-moi dans ce degré-là, parmi ces gens-là qui sont les plus éprouvés, ceux qui sont les plus aimés d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Les prophètes et ceux qui les ont suivis. Et donc ensuite l'auteur, il nous dit, donc dans ce poème, il nous dit que ces gens-là, ils ont remercié leur Seigneur dans l'épreuve. Ils le remercient par la parole, par le cœur et par les œuvres. Ô chers frères, chaque bien qu'Allah nous accorde, nous devons le remercier. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit la in shakartum li azidannakum. Si vous remerciez, je vais vous augmenter. Je vous augmenterai. Mais par contre, si vous faites preuve d'ingratitude, wala in kafartum fa inna 'adhabi la shadid. Alors certes, mon châtiment est tout lourd, est terrible. Et donc, tout bien qui te touche, tu dois remercier Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait qu'aujourd'hui, tu peux venir à la mosquée, assister à des cours, apprendre ta religion, alors que tu es ici, en Martinique, sur l'île au Cocotché, remercie Allah tabaraka wa ta'ala. Allah, les frères, c'est une ni'ma. C'est une ni'ma, vous ne vous imaginez pas à quel point. Je me rappelle quand j'étais musulman, quand je me suis converti et que je demandais à ma sœur, est-ce qu'il y a des musulmans en Martinique? Je me suis converti, je me suis dit, est-ce que je retourne en Martinique s'il y a des musulmans, s'il n'y en a pas? Elle m'a dit, franchement, j'ai jamais vu de musulmans ici. Alors là, j'ai dit, t'es sûr? Va à Fort-de-France, va à Fort-de-France. Je la rappelle plusieurs mois après. Pourtant, il y en avait. Mais elle ne voyait pas. Aujourd'hui, tu demandes à n'importe quelle personne en Martinique, qu'il soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, est-ce qu'il y a des musulmans en Martinique? Ah oui. Salam alaykoum. Wa alaykoum salam. Tu vas demander aux musulmans de Martinique, est-ce qu'il y a des cours? Est-ce qu'on peut apprendre notre religion? Oui. Alhamdulillah. Et donc, ô chers frères, tout bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde, c'est important qu'on le remercie. Premièrement, par le cœur, qu'on reconnaisse que c'est un bienfait d'Allah. C'est pas toi. Ah, c'est moi qui suis venu à la mosquée parce que c'est moi qui suis, c'est moi qui suis, c'est moi qui arrive à me prier pour le Fajr et pas les autres, etc., etc., etc. Non, on remercie Allah. Si toi tu veux venir à prier Fajr et qu'Allah a décrété que tu ne vas pas prier Fajr, tu ne vas pas prier Fajr. Donc remercie Allah tabaraka wa ta'ala. Tout bien qui te touche, remercie ton Seigneur. Et donc tu dois reconnaître déjà, premièrement, que c'est un bienfait de ton Seigneur. Deuxièmement, tu dois en parler. Wa bi ni'mati rabbika fahaddith. Parle des bienfaits de ton Seigneur. Tu ne vas pas parler des bienfaits de ton Seigneur pour te vanter. Ah, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Mais c'est pour remercier ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Je le remercie. Il m'a accordé une épouse. Je le remercie. Il m'a accordé des enfants. Je le remercie, etc., etc., etc. Tu remercies Allah, tabaraka wa ta'ala, par rapport à tout ce qu'il t'a accordé. Et il y a aussi le fait de remercier Allah par les œuvres. Ça veut dire quoi? C'est tout simple, les frères. Allah, tabaraka wa ta'ala, il a accordé aux musulmans de la Martinique une ni'ma, une mosquée. Comment tu remercies Allah, tabaraka wa ta'ala, par rapport à ce bienfait? Eh bien, tu viens à la mosquée. Tu ne vas pas rester chez toi, alhamdulillah, on a une mosquée, et puis j'y vais, jumu'ah, le vendredi, alhamdulillah. Alhamdulillah. On ne peut pas venir à la mosquée plus souvent que ça? Il y a des endroits où il n'y a pas de mosquée. Remercie Allah pour ce bienfait qu'il t'a donné. Utilise-le dans le bien. Allah t'a donné la vue. Utilise cette vue dans le bien. Lis le Coran. C'est normal qu'on reste là toute une journée sans ouvrir le Coran. Il y a des gens qui ne peuvent pas lire. Ils n'ont pas la capacité. Toi, tu l'as. Fais-le. Utilise les bienfaits qu'Allah t'a accordés dans le bien. Certains vont faire l'inverse. Ils vont utiliser le bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordé dans le péché et la désobéissance. Dans le péché et la désobéissance. Regardez des choses illicites, que ce soit dans le téléphone, dans la rue ou ailleurs. Écoutez des choses illicites. Parlez de choses illicites. Allah t'a donné la parole, la capacité de parler. Certaines personnes n'arrivent pas à parler. Utilise cela dans le bien. Et obéis à ton Seigneur. Les frères, nous devons être reconnaissants envers notre Seigneur pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Et il fait partie de la reconnaissance, le fait d'utiliser ces bienfaits-là dans le bien. Celui qui a utilisé les bienfaits d'Allah dans le mal n'a pas été reconnaissant envers Allah. Il n'a pas été reconnaissant envers Allah. Combien de personnes n'ont pas la capacité de voir? Combien de personnes sont malades, n'ont pas la capacité de réfléchir? Toi, Allah tabaraka wa ta'ala, t'a accordé la capacité de réfléchir, d'écouter, d'apprendre. On ne se rend pas compte du bienfait dans lequel on est. Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé un bienfait, le fait qu'on ait des gens qui puissent nous enseigner notre religion. On ne va pas apprendre, on ne cherche pas à apprendre. Qu'est-ce qu'on dira devant Allah tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyama? Au jour de la résurrection, qu'est-ce qu'on va dire pour nous défendre? Dans certains endroits, il n'y a pas de prof pour enseigner le Coran. Et nous, on est là, on voit qu'on a la capacité d'apprendre, mais on va trouver le moyen de ne pas réviser. Wallahi, c'est honteux. On va trouver le moyen de ne pas chercher à apprendre l'arabe. On va trouver le moyen de ne pas chercher à apprendre la lecture du Coran. Pourquoi? C'est important, chers frères, qu'on cherche à avancer, qu'on cherche à nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ne nous a pas créés pour qu'on meure riche. Il ne nous a pas créés pour qu'on meure et qu'on ait tant d'argent, tant de maisons, etc. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver lesquels d'entre vous accompliront les meilleures œuvres. Voilà pourquoi il t'a créé. Pour que tu puisses accomplir les meilleures œuvres, pour que tu l'unifies dans l'adoration tabaraka wa ta'ala, que tu suives ses recommandations, que tu apprennes ta religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le châtiment d'un homme parmi les châtiments de la tombe. Il a vu le châtiment de cette personne. Il a dit Subhanallah, mahada. Subhanallah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors on lui a dit, c'est un homme à qui Allah a enseigné le Coran. Allah lui a enseigné le Coran. فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ. Alors durant la nuit, il a dormi en délaissant le Coran. وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ فِي النَّهَارِ. Et durant la journée, il n'œuvrait pas avec. Et donc il est important, chers frères, que on fasse vivre nos nuits. On remercie Allah tabaraka wa ta'ala de nous avoir guidés vers l'islam, de nous avoir guidés vers le fait d'accepter son livre et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on suive la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par le qiyam al-layl, la prière nocturne. Tu dis à quelqu'un, ah, je me réveille à telle et telle heure, oh, comment tu fais? On devrait se réveiller la nuit normalement, on est censé se réveiller la nuit. Ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila. Ô toi l'enveloppé, prie la nuit ou sauf une petite partie. Au début de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils priaient presque toute la nuit, les frères. Presque toute la nuit. On ne t'a pas demandé de prier presque toute la nuit. Fais un peu. Un peu. Remercie ton Seigneur. On est là, on va dormir, on se réveille. Subhanallah, est-ce qu'on pense à remercier notre Seigneur de nous avoir permis de nous réveiller? Ou alors est-ce qu'on va penser à c'est quoi le petit déjeuner aujourd'hui là, inshallah ta'ala? Et donc il est important qu'on soit reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala. Mais la reconnaissance, comme je l'ai dit, ce n'est pas que la parole. Ce n'est pas que la parole. C'est aussi dans nos agissements. C'est aussi dans nos agissements. خير إن شاء الله. وعند الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا.